Chapitre 16. Paul Armand avait regagné son logis à 1 heure du matin, très étonné, très inquiet de l'inexactitude de ce livreau. Le lendemain matin, vers 9 heures, il sortit, passa chez son banquier et donna l'ordre de le conduire à l'usine. Aucune lettre, rien, aucune dépêche ne l'y avait précédé. Le misérable, affolé d'angoisse, revint à Paris. Marie se trouvait encore plus souffrante que de coutume. La veille, elle avait craché le sang. Une fièvre brûlait ses veines. Son père, en rentrant à l'hôtel, fut douloureusement frappé de ce changement subi. Il éprouva au cœur une souffrance aiguë, et cette pensée noire envahit son âme. Les médecins l'avaient-ils trompé? Marie pouvait-elle mourir si jeune? Au déjeuner, Marie ne faisait preuve d'aucun appétit. « Chère mignonne, lui demanda le millionnaire, tu souffres ?»« Un peu, père, j'ai mal dormi cette nuit. »« Tu avais la fièvre ?»« Je crois. » »« Des rêves effrayants ont troublé mon sommeil. »« Comme les miens, » pensa le millionnaire. Paul Armand embrassa longuement la jeune fille. « Tu sors ?» lui demanda-t-elle. « Non, je vais dans mon cabinet de travail. »« Oh, tant mieux, père. Tu ne peux te figurer combien j'aurais peur aujourd'hui si je restais seul à l'hôtel. » Paul Armand, après avoir refermé sur lui la porte du cabinet de travail, se laissa tomber sur un fauteuil. Il sentait que la mort planait sur sa fille et de sombres pressentiments l'agitaient. En quittant le rendez-vous des boulangers, Jeanne avait couru droit devant elle, au hasard. Elle gagna les quais et les suivit dans la direction de Passy. En arrivant à l'esplanade des Invalides, la porteuse de pain se laissa tomber sur un banc. « Tout est fini pour moi, » se dit-elle. « On sait que je suis à Paris. On connaîtra bien vite ma demeure. » Jeanne releva brusquement la tête en murmurant. « Mais Jacques Garot se dissimule sous le nom de Paul Armand. Cet homme ne mentait pas. À cette heure, il est certainement arrêté. Il parlera. Il nommera son complice. Alors on saura que j'ai été condamné injustement. Oui, mais si Jacques Garot trouvait moyen d'échapper à la justice par la fuite. Si le misérable qui a voulu me tuer rétractait ce qu'il a dit, où trouverais-je des preuves, moi? Et ce n'est pas moi l'évadé de Clermont qu'on croirait. C'est lui, l'homme important, lui, le millionnaire. » Le pont des Invalides était devant elle. Elle le prit et se trouva dans les Champs-Élysées qu'elle remonta jusqu'à l'Arc de Triomphe, suivit machinalement l'avenue du Bois de Boulogne et s'engagea dans le bois. La nuit venait. La porteuse de pain se laissa tomber sur le gazon, sous les arbres, et donna libre cours à ses pleurs. Prise de vertige, alors Jeanne s'évanouit. Lorsqu'elle se ranima, l'aube se levait. Elle marcha longtemps au hasard. Enfin, elle côtoya la Seine dans la direction de Paris. Ses forces l'abandonnaient. Elle ressentait les premières atteintes de la faim. Elle entra chez un marchand de vin, se fit servir un peu de viande froide et du pain, mangea lentement et resta longtemps assise, jetant un regard sombre à l'eau qui coulait devant elle. L'idée de la mort se présentait à elle. « Mourir, » murmura-t-elle tout à coup. « N'y a-t-il donc plus que cela pour moi à cette heure? Quoi, j'abandonnerai l'enfant retrouvé déjà? J'oublierai que j'en ai un autre à retrouver encore? Non, non, ça serait lâche. Cela ne sera pas. » Et Jeanne se leva, ravivée, transfigurée. Une heure après, elle sonnait à la porte de l'hôtel de Paul Armand.